Chapitre 5e. L'opération avait été reprise. Avec l'aide de l'anchor boat, les chaînes furent soulagées et les ancres quittèrent enfin leur fond tenace. 1h15 sonnait au clocher de Birkenhead. Le départ ne pouvait être différé si l'on tenait à utiliser la marée pour la sortie du steamship. Le capitaine et le pilote montèrent sur la passerelle. Un lieutenant se posta près de l'appareil à signaux de l'hélice, un autre près de l'appareil à signaux des aubes. Le timonier se tenait entre eux, près de la petite roue destinée à mouvoir le gouvernail. Par prudence, au cas où la machine à vapeur eût manqué, 4 autres timoniers veillaient à l'arrière, prêts à manœuvrer les grandes roues qui se dressaient sur le caillebotis. Le Great Eastern, faisant tête au courant, était tout évité, et il n'y avait plus que le flot à refouler pour descendre la rivière. L'ordre du départ fut donné. Les pales frappèrent lentement les premières couches d'eau, l'hélice patouilla à l'arrière, et l'énorme vaisseau commença à se déplacer. La plupart des passagers, montés sur la dunette de l'avant, regardaient le double paysage hérissé de cheminées d'usine que présentaient à droite Liverpool, à gauche Birkenhead. La Mersey, encombrée de navires, les uns mouillés, les autres montant ou descendant, n'offrait à notre steamship que de sinueux passages. Mais sous la main de son pilote, sensible aux moindres volontés de son gouvernail, il se glissait dans les passes étroites, évoluant comme une baleinière sous l'aviron d'un vigoureux timonier. Un instant, je crus que nous allions aborder un trois-mâts qui dérivait de travers au courant et dont le bout dehors vint raser la coque du Great Eastern. Mais le choc fut évité, et quand, du haut des roufles, je regardais ce navire qui ne jaugeait pas moins de 700 ou 800 tonneaux, il m'apparut comme un de ces petits bateaux que les enfants lancent sur les bassins de Green Park ou de la Serpentine River. Bientôt, le Great Eastern se trouva par le travers des cales d'embarquement de Liverpool. Les 4 canons qui devaient saluer la ville se turent, par respect pour ces morts que le temps d'air débarquait en ce moment. Mais des hurrahs formidables remplacèrent ces détonations qui sont la dernière expression de la politesse nationale. Aussitôt les mains de battre, les bras de s'agiter, les mouchoirs de se déployer avec cet enthousiasme dont les Anglais sont si prodigues au départ de tout navire, ne fût-ce qu'un simple canot qui va faire une promenade en baie. Mais comment répondait à ces saluts? Quels échos ils provoquaient sur les quais? Des milliers de curieux couvraient les murs de Liverpool et de Birkenhead. Les boats, chargés de spectateurs, fourmillaient sur la Mersey. Les marins du Lord Clyde, navires de guerre, mouillés devant les bassins, s'étaient dispersés sur les hautes vergues et saluaient le géant de leurs acclamations. Du haut des dunettes des vaisseaux ancrés dans la rivière, les musiques nous envoyaient des harmonies terribles que le bruit des hurrahs ne pouvait couvrir. Les pavillons montaient et descendaient incessamment l'honneur du Great Eastern. Mais bientôt les cris commencèrent à s'éteindre dans l'éloignement. Notre steamship rangea de près le Tripoli, un paquebot de la ligne Cunard, affecté au transport des émigrants, et qui, malgré sa jauge de 2000 tonneaux, paraissait n'être qu'une simple barque. Puis, sur les 2 rives, les maisons se firent de plus en plus rares. Les fumées cessèrent de noircir le paysage. La campagne trancha sur les murs de briques. Encore quelques longues et uniformes rangées de maisons ouvrières. Enfin, des villas apparurent, et sur la rive gauche de la Mersey, de la plateforme du phare et de l'épaulement du bastion, quelques derniers hurrahs nous saluèrent une dernière fois. À 3 heures, le Great Eastern avait franchi les passes de la Mersey et il donnait dans le canal Saint-Georges. Le vent du sud-ouest soufflait en grande brise. Nos pavillons, rigidement tendus, ne faisaient pas un pli. La mer se gonflait déjà de quelques houles, mais le steamship ne les ressentait pas. Vers 4 heures, le capitaine Anderson fit stopper. Le temps d'air forçait de vapeur pour nous rejoindre. Il nous ramenait le second médecin du bord. Lorsque le boat eut accosté, on lança une échelle de corde par laquelle ce personnage embarqua non sans peine. Plus agile que lui, notre pilote s'affala par le même chemin jusqu'à son canot qui l'attendait et dont chaque rameur était muni d'une ceinture natatoire en liège. Quelques instants après, il rejoignait une charmante petite goélette qui l'attendait sous le vent. La route fut aussitôt reprise. Sous la poussée de ses aubes et de son hélice, la vitesse du Great Eastern s'accéléra. Malgré le vent debout, il n'éprouvait ni roulis ni tangage. Bientôt l'ombre couvrit la mer, et la côte du côté de Galles, marquée par la pointe de Holyhead, se perdit enfin dans la nuit.